Dans notre dernière émission, nous avons essayé de vous montrer ce qu'est un vrai disciple. Aujourd'hui, nous aimerions considérer ensemble cette question. Qui peut être disciple? Rappelons-nous qu'en dehors des 12 disciples qui ont reçu le nom d'apôtres, il y en avait beaucoup d'autres, déjà du vivant de Jésus-Christ en Palestine. À partir du livre des Actes, ils étaient des milliers, puisque déjà le jour de la Pentecôte, nous lisons « En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Et un peu plus loin, « La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. » Les voyez-vous? D'abord quelques hommes, disciples de Jean-Baptiste, puis d'autres. Jésus en choisit une douzaine pour une tâche spéciale. Pour une autre mission, il en faudra 70. Puis ce sont des centaines et des milliers. D'où venaient-ils? À quelle classe sociale appartenaient-ils? Quel était leur niveau intellectuel, culturel? Quels étaient leurs antécédents? Nous savons peu de choses de ces hommes. Mais le Seigneur cherchait des disciples, pas seulement les 12 apôtres, des disciples appelés plus tard chrétiens qui seront les vrais membres de l'Église. Jésus-Christ a donné un ordre précis. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est un ordre valable de siècle en siècle. Il est actuel pour notre programme de radio. Je dirais même qu'il en est le but. Voilà pourquoi je désire répondre aujourd'hui à la question « Qui peut devenir disciple ?» Le verset que nous venons de citer répond déjà partiellement à cette interrogation « de toutes les nations ». C'est clair, il ne peut y avoir de ségrégation dans le domaine des nationalités ou des races. Mais quant au reste, quand une entreprise ou un patron cherche du personnel, il y a des exigences. Jetons un regard rapide dans un journal et voyons ce que réclament les patrons. Le candidat devra posséder un sens d'initiative, de décision et de surcroît un sens certain de responsabilité. Ou encore, si vous êtes de caractère agréable, de très bonne présentation, une exigence pas évidente. Candidat compétent et dynamique, contact aisé, excellente présentation et entre gens, dynamisme, polyvalence, une voix agréable, esprit méthodique, sympathique. Ce ne sont pas là mes inventions. Quel bonheur que le Seigneur ne nous pose pas ses exigences, car je crains qu'à ce taux-là, je doive renoncer au micro. Vous vous imaginez si le Seigneur nous posait toutes ces conditions? En revanche, je trouve dans mon Nouveau Testament un petit mot merveilleux. Est-ce que vous le connaissez? Vous le devinez? Quiconque. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, quiconque. Mais attendez, il y a quand même une condition ajoutée à ce quiconque. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. La seule exigence du Seigneur, c'est donc de croire en lui. Revenons aux 12 disciples de Jésus. Avez-vous remarqué la diversité qui existait rien que dans ce petit nombre d'hommes? Ils n'étaient pas des hommes stéréotypés, bien au contraire. Simon-Pierre, fougueux, impulsif, extraverti, tempétueux, précipité, dynamique, oui, mais hélas aussi prétentieux, même lâche. Jacques, fils de Zébédée, il est souvent mentionné, cependant rien de bien particulier ne nous est dit de lui. Jean, son frère, le disciple que Jésus aimait et que les peintres représentent avec un visage doux, était-il si doux que cela quand avec son frère il voulait commander le feu du ciel pour consumer les Samaritains qui refusaient de recevoir le Seigneur? André, qui avait amené son frère à Jésus, il a une grande aisance dans les contacts, ce qui n'était pas le cas de Philippe, semble-t-il. Dans la liste des 12, nous trouvons également Matthieu, appelé aussi Lévi le publicain. Les publicains étaient méprisés, mais Maï. Le consensus général les mettait sur un niveau très bas. Les évangiles parlent de publicains et de gens de mauvaise vie, et des publicains et des prostituées. Cependant, le Seigneur a appelé Lévi, et son appel est suivi immédiatement par l'obéissance. Et de plus, ce publicain organise un banquet où ses amis peuvent connaître le Seigneur. Thomas, le pessimiste, qui à la mort de Lazare profère ces paroles déprimantes, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Son incrédulité est devenue proverbiale. N'est-ce pas lui qui a dit après la résurrection de Jésus-Christ ?« Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Simon, le zélote, paraît avoir été mêlé à la politique, c'est-à-dire à un parti de patriotes qui ne reconnaissait pas l'autorité romaine. Toutefois, rien ne nous est dit de plus quant à lui. Le silence enveloppe aussi Thaddée, Jacques le mineur et Barthélemy. Voici les disciples du Seigneur dans leur diversité, les uns très connus, les autres restant dans l'anonymat. Exubérants, timides, optimistes, pessimistes, entreprenants, hésitants. Il est encore un genre de disciple que j'ai à cœur de nommer. Après la crucifixion, nous rencontrons un homme riche, d'Arimathée, conseiller de distinction nommé Joseph. Il était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs. C'était donc un membre du clergé, mais il est devenu disciple, nous ne savons pas à quel moment. Sortant de sa cachette, il ose se rendre vers Pilate, s'affichant publiquement avec celui qui vient d'être rejeté. J'ai fait défiler devant vous quelques hommes de rang, de classe, de tempérament et de caractère différents. Pourquoi ? Tout d'abord pour vous montrer que les critères de Jésus-Christ, cherchant de vrais disciples, ne sont pas ceux de notre monde. Quiconque croit, quiconque répond à son appel peut devenir disciple de Christ. Ensuite, pour vous montrer que les disciples de Christ sont d'une grande diversité. Cependant, une chose les caractérise tous. Ils ont cru, leurs péchés ont été pardonnés. Ils se sont identifiés avec le rejeté et le méprisé des hommes. Et finalement, le Seigneur nous appelle pour un but, pas nécessairement pour devenir prédicateur, pourquoi pas, mais en tout cas pour être le sel de la terre et la lumière du monde. Où en êtes-vous, chers auditeurs? Qui êtes-vous? Êtes-vous disciple de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui vous empêche de le devenir? Si vous l'êtes, remplissez-vous la fonction de sel de la terre et de lumière du monde. Il y a quelques années, j'étais à l'enterrement d'un ami croyant. Il eut un culte dans la faculté de médecine de l'université de São Paulo. L'homme auquel on rendait les derniers hommages avait occupé pendant de nombreuses années la chaire de médecine légale et avait été directeur de la dite faculté. Encore étudiant, il avait reçu une Bible d'une collègue. Cette Bible n'avait eu d'abord pour lui qu'une signification sentimentale. Mais ensuite, l'étudiant se mit à plonger ses regards dans ce livre. La parole de Dieu, lampe à ses pieds et lumière sur son sentier, pour reprendre les termes du psalmiste. La Bible lui a fait connaître sa misère et son péché. Cependant, elle ne l'a pas laissé là, mais lui a montré le remède, c'est-à-dire Jésus-Christ, mort à sa place sur la croix. La lumière a brillé sur son chemin. Il est devenu un disciple de Jésus-Christ. Par la grâce divine pendant sa longue vie, en tant que disciple, il a été le sel de la terre et la lumière du monde. Disciple, il l'était dans son travail académique, mais aussi en tant que directeur des prisons, de l'état de San Paolo, disciple avec les savants et avec les ignorants. Cher auditeur, voulez-vous venir à Jésus-Christ tel que vous êtes? Il vous appelle, il attend une réponse de votre part. Quand un certain nombre de ceux qui avaient suivi Jésus l'abandonnèrent, il a demandé à ses disciples, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Ce à quoi Pierre a répondu avec un enthousiasme merveilleux, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Quelle est votre réponse? Donnez-la maintenant.